Louis du Pire, La neige pelote, lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. C'était jeudi et la neige pelotait. Heureuse rencontre qui engendre pour les enfants 12 heures de bonheur. Leurs instincts batailleurs les font chercher dans cette matière plus malléable que l'argile des munitions. Ils se garrochent avec fureur, puis, lassés de la petite guerre, ils se tournent vers d'autres divertissements. Un piéton passe près d'un groupe et note l'air amusé et sournois des enfants qui tiennent quelque chose derrière le dos. 10 pas plus loin, il reçoit sur son couvre-chef une boule qui l'ébranle et le jette par terre. Là-bas fusent les rires des enfants qui excitent la colère de la cible et épient ses gestes pour voir si elle leur donnera pas la chasse. Ah, comme on trouve meilleur le bonheur qu'on cueille au bord du danger. La colère vous fait voir un moment rouge, ô passant. Vous allez vous élancer, malgré votre poids et votre dignité, pour châtier les petits polissons. Mais voilà que toute votre jeunesse vous remonte à la tête, à la vue de leurs figures espiègles, et vous vous rappelez les boules de neige que vous avez commises. Justice distributive et immanente, à 30 ans, vous attrapez la correction que vous méritiez à 10. Dans la rue jouent d'autres groupes. Ceux-là, plus paisibles, trouvent dans la neige matière à exercer leur talent de sculpteur. L'école sphériste date de la première neige qui a blanchi la terre et de la première main d'enfant qui l'a palpée. Déjà, des talents précoces donnent de l'allure et du mouvement aux bons hommes de neige. Et quelle ingéniosité dans la recherche des ingrédients qui imiteront le mieux la vie. Pas de bonhomme complet sans une pipe qu'un bâton de hockey rompu, quelquefois exprès, c'est la maman qui pestera. Singe à merveille. Les morceaux de charbon font d'excellents boutons, qui, par les temps actuels, ont plus de valeur que ne le pensent les enfants. Et le chapeau sera celui d'un des juvéniles artistes qui pincera un rhume, mais tant de plaisir. Le soir, tout le monde rentrera, l'onglet au doigt, les pieds gelés comme s'il trempait dans l'eau, mais les joues fardées par la santé. Quelle joie ils trouvent à triturer cette blancheur à leur âme pareille, et qu'ils doivent être tristes les hivers noirs des petits négrillons tropicaux. Les enfants ne seraient sûrement pas de l'avis de Monsieur de Voltaire sur les arpents de neige. Une jeudi qu'elle pelote.